Exercice 1, page 151. A. Chant, chant. B. Chou, joue. C. Léger, léché. D. Jean, Jean. E. Cache, cage. F. Bouge, bouche.